L'actualité à Nancy et ailleurs. Les 27 et 28 septembre, rendez-vous pour un festival, c'est le Eclexique. C'est du même nom que l'association qui porte ce rendez-vous, ça sera Chaligny. Et pour nous en parler, nous avons au téléphone Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Eclexique. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'histoire de ce festival? Est-ce que c'est une première déjà? Oui, effectivement. Donc ce festival est une première donc sur Chaligny. C'est quand même en partenariat donc avec le Dawat Festival donc de Armonville qui eux ont plusieurs événements à leur actif. Le festival sur Chaligny donc est essentiellement donc porté sur de la musique éclectique de toutes sortes, aussi bien du dub, du ska, du reggae, du punk, du metal, du rock, de la chanson française, même de la chanson à texte avec accordéon. Et on veut essentiellement donc comme le Dawat rester sur une entrée gratuite pour pouvoir faire profiter tout le monde. Et que ça soit un festival solidaire. Parce qu'on remarque que les entrées dans les festivals, même aux alentours, vous prenez par exemple, le Jardin du Michel, mine de rien, l'entrée est chère. Donc, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'y participer. Donc, le fait de faire une entrée gratuite permet à tout le monde d'y accéder. Donc, ça commencera le vendredi dès 19h, donc gratuitement. Ouais, on l'a bien noté, c'est totalement gratuit les deux jours. Et ça se passe au lieu-dit la clairière au poney, c'est ça? La clairière au poney, oui, c'est en haut de Chaligny. L'accès par Chaligny sera bloqué. Ça se fera donc par Maron en direction de Villers-les-Nancy et de Nancy par Villers-les-Nancy. Mais tout sera chiffré, numéroté et l'accès y sera facilité. Il y a une volonté aussi de rendre ce rendez-vous au profit d'une autre association, l'association oui. Les Poulettes. C'est ça même. En fait, les Poulettes, effectivement, donc c'est une association qui sont devenues amies maintenant et ce sont toutes des personnes qui ont été greffées au cours de leur vie. Et qui sont maintenant en vie, donc grâce à ces dons. Et je trouve qu'il y a une grosse importance de parler du don d'organes. C'est quelque chose qui est important dans la vie, dans ma vie à moi. Je suis moi-même tatoué en tant que donneur. Donc s'il m'arrive quelque chose, les pompiers verront tout de suite que je suis donneur. Et puis j'ai des amis qui sont partis trop tôt par manque de dons. Et puis j'ai un ami qui a 3 ans qui s'est fait greffer d'un nouveau cœur et qui maintenant profite de la vie au maximum et qui va intégrer des Poulettes dans 15 jours. Ce rendez-vous, il a un double sens. Bien sûr, on va faire la fête, mais derrière, il y a vraiment un rôle important de cette association oui. Les Poulettes pour en parler, justement. Ils auront certainement un stand sur place, du coup? Oui, ils auront un stand sur place pour parler du don d'organes. Et logiquement, en fait, c'est en courant pour parler, parce qu'après, ça dépend de leur disponibilité. Mais ils devraient normalement réveiller les campeurs avec du café, du croissant et tout ça. Donc, ça sera vendu, mais ça sera toujours pour leur profit, pour leur association. Et donc, vous l'avez dit, on pourra camper sur place, hein, parce que ça commence le vendredi à 19h. On l'a dit, avec plein de concerts et une belle diversité de styles. Hein. On passe de accords oui. De rue, avec le corps et l'esprit, à Issat, en phase. Et une première, c'est un peu bizarre dans ce genre de concert, c'est on termine en plus sur une note électro, donc avec En Phase, oui. qui va clôturer donc les deux soirées. Donc je trouve ça génial. Effectivement, ça va toucher plein de gens, plein de gens. Et le samedi, ça commence dès 10h le matin. Il y aura aussi dans la journée un marché artisanal, il y aura des animations. Qu'est-ce qui va se passer sur place? Voilà, c'est ça. En fait, donc un marché artisanal, donc on a essayé d'appeler donc les artisans locaux, puis bon, on a été obligé un peu de passer les frontières de notre région. Donc il va y avoir un peu de tout au niveau artisan, et puis des jeux du cirque, du jonglage, et logiquement, je devrais même avoir un spectacle de joueurs de feu. Voilà, mais ça reste encore à confirmer. Parce que c'est par rapport aux autorisations de la mairie, ça reste compliqué. Quoi qu'il arrive, on note bien ces deux dates, le 27 et 28 septembre, pour le Eclexique, c'est la première édition, c'est à Chaligny, oui, au lieu dit La Clairière au Poney. Donc si on veut retrouver un peu toutes les infos pratiques, et puis la liste des groupes présents, etc., comment on fait? Alors, on est inscrit donc sur Sortir à l'Est Républicain, où notre événement donc est référencé. Nous sommes également présents donc sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et on essaye de toucher donc un maximum de gens par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette première édition? C'est toujours un peu particulier, une première édition. Eh ben, une super édition, et puis il faut que ça marche, juste histoire que j'arrive à rentrer dans mes frais, et puis qu'on fasse un beau chèque à l'association Les Poulettes. Merci beaucoup Laurent. C'est moi qui vous remercie. Et j'avais juste une petite dernière phrase à dire, comme ça. En fait, je pense que l'art le plus noble est de rendre heureux les gens, et je trouve que c'est hyper important. Et c'est en musique que nous allons conclure cet entretien avec Accords de rue, et le titre Le Temps s'arrête, Accords de rue qui sera présent sur la scène de l'Eclexique Festival le vendredi 27 septembre à Chaligny. À nos instants gagnés, aérer seul sur le chemin, comprendre les gamelles et pourquoi y a plus rien. Aux souvenirs oubliés, aux copains qui nous tendent la main, je voudrais que le temps s'arrête. Tu pars pour voyager et toujours plus en avant, t'en auras vu tomber mais les rêves ça se défend. Alors il faut se relever, même si tout n'est pas marrant. Je voudrais que le temps s'arrête. Je voudrais que le temps s'arrête. C'est vrai, ça nous grandit, les tatanes dans les dents. Comprends de tes conneries, c'est elle qui te rappelle souvent. Que le vent tourne et crie, regarde encore vers l'avant. Je voudrais que le temps s'arrête. Il fait chaud dans les cœurs, c'est la cambrousse un peu partout. On ne sait plus le temps ni l'heure pour embrasser une fille dans le cou. À chaque histoire je meurs, à chaque adieu un caillou. Je voudrais que le temps s'arrête. Je voudrais que le temps s'arrête. Allez! Tout ça c'est derrière toi maintenant. Laissons les idées noires, les torpeurs te paralysant. Allons comme de roublards, chanter l'amour et puis le temps. Mais je voudrais que le temps s'arrête. Je voudrais que le temps s'arrête. Nous ferons des secondes, des heures, et les minutes resteront. Il n'y a pas un jour qui meurt. Il y a toute la vie à fond. Yappa! Reparti sur le fil, notre chemin se parcourt. Voilà comment se fait une île. Et à nouveau on court, on leur chante, c'est le deal. Je voudrais que le temps s'arrête. Nous voilà au grand jour, reparti sur le fil. Notre chemin se parcourt, voilà comment se faire une île. Et à nouveau on court, on leur chante, c'est le deal. Je voudrais que le temps s'arrête. Je voudrais que le temps s'arrête. C'était Accord de rue avec Le temps s'arrête, un des groupes présents pour la première édition du Eclexic Festival les 27 et 28 septembre. Ils partageront la scène avec le Corps et l'Esprit, Aïssat, Esther, Du vent dans les micros, En phase, Les Salles Majestés, Pun Chaos, Charge 69, Les José, Calcanos et Karaoke Kids United. Je voudrais que le temps s'arrête. Je voudrais que le temps s'arrête. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.